Bonjour, je m'appelle Stephen. Je suis directeur dirigeant du fan club de Björk en Alsace, à Strasbourg. Merci, merci beaucoup pour cette émission très instructive avec tous mes copains geeks de Björk. On a adoré votre émission. On vous propose d'ailleurs de participer à notre chorale de Björk. Nous sommes seulement trois pour l'instant, mais si vous êtes intéressés, venez, n'hésitez pas à vous inscrire. Björk, c'est fantastique. C'est beau, ça vous emporte, c'est mystique. Merci, Blockbuster. It's oh so quiet. Chut, chut. Ah, Björk, Björk. Björk, c'est tout un souvenir pour moi, puisque quand j'étais en école militaire à Montluçon, pour ceux qui connaissent, c'était mon havre de paix. Je me posais le midi, quand j'avais fini mes corvées, je me posais sur mon lit, j'attendais l'heure du repas. Je mettais un CD de Björk. Donc, vous me faites revivre ce magnifique moment avec la voix extraordinaire de Björk. Merci, Blockbuster. And so peaceful until... Wow! To be... Or not to be. Not to be. Si j'écoutais ma fille, on mangerait tous les jours des pâtes. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, en été ou en hiver, invariablement, dès que je lui demande ce qu'elle veut manger, elle me répond « des pâtes ». Je suis fasciné par cette capacité à manger tous les jours la même chose, sans jamais en concevoir la moindre frustration. Souvent, je lui demande « mais ça te ferait pas plaisir de manger autre chose ?» Et là, comme à chaque fois, elle me regarde avec ses grands yeux noirs qui lui donnent des airs de personnage de manga, et elle me répond « bah non, pourquoi ? J'aime bien les pâtes !» Donc voilà, pour l'instant, ma fille a décidé d'arrêter son voyage culinaire à la gare des coquillettes au jambon. Ça me désole. Je me disais que c'était tout de même assez triste, et puis j'ai réalisé qu'aujourd'hui sortait sur les écrans Fast and Furious 9, que vendredi sortait sur Switch le remake d'un Zelda sorti sur Wii. Je joue actuellement à Final Fantasy VII, le remake d'un jeu sorti en 97, et à la fin de l'année, on aura droit à un nouveau James Bond qui précédera un nouveau Marvel, qui lui-même précédera un nouveau Batman, inlassablement jusqu'à la fin des temps. Finalement, c'est ma fille qui a raison. C'est bon, les potes. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Je ne me laisserai pas intimider. Et son nom, c'est quoi déjà ? Cloud. Cloud Strife. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. En 1997, le monde entier découvre Final Fantasy VII sur la PlayStation 1. Délaissant les héros vertueux, les châteaux de princes et princesses, les plaines et vallées pour un monde fait d'usines polluantes et de personnages névrosés, Final Fantasy VII, avec son groupe de héros charismatiques, ses musiques immédiatement cultes, ses invocations si impressionnantes pour l'époque, et son méchant, Sephiroth, au charisme inimitable, a marqué l'histoire du jeu vidéo de manière inoubliable. Pour revenir sur ce titre qui vient d'être remis au goût du jour sur les consoles nouvelle génération, j'ai à mes côtés... Karel Campuis, bonjour. Bonjour. On vous connaît également sous le nom de Kiraboships sur Twitter. Tout à fait. Vous êtes streamer et rédacteur en chef de Hyperlink, une excellente émission consacrée aux jeux vidéo diffusée sur Twitch, YouTube et en podcast. Tout à fait, chez Micro Stockholm, et on revient à la rentrée. Voilà. Avec nous également Chloé Voitier, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste dédié aux nouvelles technologies et aux jeux vidéo pour Le Figaro et vous avez beaucoup joué à Final Fantasy VII. Oui, je crois une dizaine de fois à peu près, donc c'est un sacré souvenir. Vous êtes la personne qu'on cherchait. Avec nous, il ne pouvait pas ne pas être là, je crois même qu'il a tout bouleversé pour être avec nous. J'ai fait le forcing, j'ai inscrit mon nom de force sur le tableau. Mais on n'a pas lutté beaucoup. Hein. Non, c'est vrai. Olivier Bénisse, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous faites partie de la famille puisque vous êtes journaliste à la rédaction de France Inter et vous tenez aussi une chronique tous les mardis de l'année dans le 5-7 qui s'appelle La faute aux jeux vidéo. Tout simplement. Ensemble, on va retracer l'histoire de Final Fantasy VII, en quoi ce jeu est-il devenu un monument incontournable de l'histoire des jeux de rôle sur console. On parlera des artistes de génie derrière cette réussite. Enfin, on tentera de comprendre comment cette histoire et ses personnages ne cessent de se réinventer depuis 1997 pour être toujours aussi présents en 2021. Enfourchez tout de suite votre chocobo, Final Fantasy VII, c'est parti. Il paraît que les soldats d'Ashinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Je dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'as encore leur foutu clébard, hein? Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. Olivier Bénis, est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire de Final Fantasy VII? Alors, le scénario du jeu ou l'histoire du jeu en général? Parce que c'est vraiment deux choses très différentes et très... D'abord l'histoire du jeu et ensuite on ira dans les coulisses. Alors, l'histoire du jeu, c'est vous incarnez dans Final Fantasy VII un personnage qui s'appelle Cloud Strife, qui est un ancien soldat. Alors, ça, soldat s'écrit en majuscule, puisque c'est une sorte de section d'assaut, plus ou moins au service d'une énorme société privée qui s'appelle la Shinra, qui est une société d'énergie. C'est un petit peu le total méchant de cet univers. Ou la Riva. Vraiment très très méchant, mais vraiment très méchant. Une société qui exploite total, en fait, voilà, qui exploite une énergie un peu mystérieuse qui s'appelle l'énergie Mako, qui permet d'alimenter en électricité, en énergie un petit peu tout ce beau monde dans une ville qui s'appelle Midgar, qui est une ville post-industrielle vraiment très tentaculaire et tout ça. Et il la rejoint en tant que mercenaire, une association terroriste, on peut le dire, qui s'appelle Avalanche. Des Greenpeace énervés. Voilà, des Greenpeace très énervés, puisque leur objectif est de faire exploser un à un les huit réacteurs Mako qui alimentent la ville. Alors au début, on se dit on est du côté des méchants, mais en fait on comprend assez rapidement que ce sont des militants écolos, vraiment énervés certes, mais verts, qui ont compris qu'en fait utiliser l'énergie Mako de la planète est une très mauvaise idée, d'abord pour des questions de puissance non maîtrisée, on va s'en rendre compte assez rapidement dans le jeu, mais aussi parce que l'énergie Mako, en fait, petit à petit, est en train de tuer la planète, vraiment au sens littéral, et qu'il faut donc lutter contre ça, et donc ils sont prêts à tout pour arrêter la Shinra. Car la planète est considérée comme un organisme vivant, qui est même un système de défense immunitaire, et le Mako, c'est son sang, et c'est donc effectivement tout son... toute sa vie, son organisme qui est complètement bouleversé. C'est ça, et on va y revenir plus longuement dans l'émission, évidemment, mais il y a vraiment une thématique environnementale et écologiste dans Final Fantasy VII qui est extrêmement forte, qui a été implantée là par les créateurs du jeu. Et vraiment, c'est une métaphore de ce qu'on vit actuellement, de ce qu'on a vécu ces 20 dernières années. Une métaphore même qui avait un peu de l'avance sur son temps, puisqu'on le rappelle, on était en 97 et c'était pas forcément des thématiques qui étaient au cœur des préoccupations de l'époque. Karel, on a raconté l'histoire, résumé l'histoire de Final Fantasy VII, mais il y a ensuite les coulisses, le scénario sur la création du jeu. Initialement, on est au 7e numéro de Final Fantasy. Square, le studio à l'origine de Final Fantasy, avait l'habitude de travailler avec Nintendo. Tout à fait. Alors à l'origine, effectivement, on a eu les 6 premiers épisodes sur NES et Super NES. Et donc la Nintendo et la Super Nintendo pour les auditeurs. Pour les auditeurs, évidemment. Et pour le 7, Square va transvaser chez Sony, ce qui sera une très belle prise de guerre pour Sony qui voulait lancer sa PlayStation avec un catalogue très fort. Et en même temps, un changement d'écosystème pour Square, qui traduit aussi toutes les ambitions pour le jeu, une volonté d'insérer beaucoup plus de cinématiques, beaucoup plus de mise en scène. Ça ne tenait pas sur une cartouche. Ça ne tenait absolument pas sur une cartouche. Pour donner une idée aux auditeurs, la 64 avait des cartouches de 60 mégas. Maximum, là où un CD pour la PlayStation contenait 10 fois plus de données, moyennant quelques temps de chargement, mais bon, c'est un maigre compromis donc compte tenu de l'ambition. Donc possibilité d'insérer des cinématiques, des musiques de meilleure qualité. Bien sûr, et même Sony s'est amusé à faire une pub à l'époque pour dire que si le jeu était sorti sur 64, il coûterait $1,200 dans le commerce. Voilà, donc une campagne très agressive pour bien montrer aussi les ambitions de Square sur ce jeu, et les ambitions de Sony aussi. Et donc c'est un jeu qui a accompagné le lancement de la PlayStation 1. Et Chloé Voitier, c'est à ce moment-là que vous avez découvert Final Fantasy VII ? Ah oui, tout à fait. En fait, j'étais vraiment dans le cœur de cible, je pense, à l'époque. Parce que pour se resituer, donc on est en 97, la PlayStation, première du nom, est sortie depuis un an à peu près en Europe, un ou deux ans. Et Sony, c'est vraiment un nouveau venu dans cet univers qui était dominé par Sega et par Nintendo. Il arrive avec ses forces, qui sont une console avec des jeux sur CD, mais également une console qui se dit, nous, on va pas cibler les enfants. Nous, on va plutôt cibler les adolescents et les jeunes adultes. Et pour ça, on a besoin de jeux qui vont un peu révolutionner l'image qu'on a que le public peut avoir du jeu vidéo, c'est-à-dire quelque chose de très enfantin, de très coloré, de très mignon, de très rond. Et en fait, Final Fantasy VII répond parfaitement à ce cahier des charges parce que c'est un jeu très hollywoodien. C'est un jeu qu'on va vendre en disant « Regardez, c'est un film interactif ». Je me souviens très bien des publicités de l'époque qui montraient, en fait, on ne montrait que les séquences cinématiques en images de synthèse pour dire « Regardez, cette chose-là, vous ne pouviez pas le voir sur une Super Nintendo, par exemple. Vous ne pouviez pas voir des cinématiques d'une telle qualité. » Il me semble même que sur la jaquette du jeu, c'était marqué, en gros, plus d'une heure de cinématiques en images de synthèse. Enfin, c'était vraiment le plus produit. On disait aux gens « Bon, vous connaissez le cinéma. » C'est quasiment un film. Et ben, c'est un film que vous allez jouer pendant 50 heures sur votre télévision. Et même si on ne montrait pas vraiment à quoi ressemblait réellement le jeu dans les publicités, ce qui a pu provoquer quelques surprises. Mais c'était vraiment une pratique une révolution. Qui continue. Hein. Oui. Ça ne s'est jamais arrêté. Mais c'était révolutionnaire. Ça a été un choc pour énormément de monde, et donc moi à cette époque-là. Et vous avez passé combien d'heures sur Final Fantasy VII, premier du nom ? Alors, le premier du nom, pour donner une idée, le premier, il faut à peu près entre 40 et 50 heures pour finir le jeu, vraiment tout terminé. Donc ça, je l'ai fait une première fois, et ensuite, vous savez, c'était l'époque, on est adolescent, on n'a pas beaucoup de jeux vidéo, donc on les fait, on les refait, on les refait. Il faut battre toutes les armes. Exactement, donc je pense que j'ai fait le calcul, je pense que je l'ai fait à peu près environ 10 fois. Pas forcément aller jusqu'au bout, mais au moins jouer au moins une trentaine d'heures de jeu à chaque fois. Ce jeu a vraiment changé beaucoup de choses chez moi. Enfin, c'est un jeu vraiment qui m'a pas bouleversé, mais en tout cas ça a été un virage en fait dans ma vie de joueuse. Il faut peut-être rappeler juste un petit truc aussi, parce qu'on parle de Final Fantasy VII. Rappelons que la série des Final Fantasy, contrairement à beaucoup d'autres séries dans le jeu vidéo, chaque épisode est totalement indépendant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on repart à zéro avec des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, un nouvel univers. Il y a juste des espèces de ponts en fait entre les épisodes. Des points communs, notamment le personnage de Sid qui revient, le scientifique de les chocobos, les Mog. Les personnages de Biggs et Wedge qui sont des clins d'œil à l'univers de Star Wars. Enfin voilà, il y a plein de petits clins d'œil, mais vraiment, c'est ce qui a fait aussi le succès de Final Fantasy VII, c'est que ça a plu, y compris aux gens qui n'avaient jamais joué aussi précédent. C'était même destiné à eux, c'était aussi pour attirer un nouveau public. Et comme il y avait ce côté spectaculaire en plus, ces grands spectacles, d'un seul coup, on s'adressait à des gens qui étaient plus uniquement des joueurs de jeux de rôle japonais, qui étaient peut-être un truc très vraiment de niche, mais vraiment à des gens qui voulaient du spectaculaire sur leur PlayStation. Oui, parce que ça aussi, c'est une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est que c'était aussi la première fois qu'en Europe arrivait ce qu'on appelait du coup les jeux de rôle japonais. C'était un style de jeu qui jusque-là en Europe était inexistant, parce que les éditeurs japonais estimaient que le public européen n'était pas très intéressé par ce style de jeu. Donc ça a été aussi une découverte pour tout un public, tout un pan du jeu vidéo qui jusqu'à présent n'était pas arrivé jusqu'en France par exemple, qui se dévoilait à nous. Donc on a découvert du coup toutes les Final Fantasy, et une fois que Final Fantasy VII a été un grand succès, tous les autres épisodes sont arrivés chez nous, et tous les suivants également, plus d'autres séries des RPG japonais. Enfin ça a été aussi une découverte d'un nouveau style de jeu. Alors Final Fantasy, c'est une aventure et des combats, mais c'est surtout une bande-son composée par Nobuo Uematsu, et on écoute une des musiques d'affrontement de boss de fin les plus iconiques au monde, celle de Sephiroth. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radonac, et notre stagiaire réalisation Véronique Meyer. Et aujourd'hui à la technique, Michel Bézikian, et au mixage, Alexandre Chenet. One Winged Angel dans Blockbuster sur France Inter. Et toi, Cloud? Est-ce que tu aimes les fleurs? Je sais pas, sans plus. En tant que fleuriste, ça me fait de la peine. Je vais pas te mentir. À propos, la fleur que je t'ai donnée, t'en as fait quoi? Tu l'as offerte à quelqu'un? Ouais. Hein? Je peux savoir à qui? J'ai oublié. Quoi? C'est vrai, ce mensonge? Bon, c'est pas grave. Olivier Bénis, quand on a passé la musique de cet affrontement avec Sephiroth, vous aviez une anecdote à dire justement sur le fait que c'était la première, la seule chanson sur laquelle il y avait d'autres voix. Oui, sur laquelle il y avait des voix, avait tout des simplement. C'est-à-dire qu'en fait, à cause des restrictions techniques de la PlayStation, parce que oui, même si c'était une console surpuissante pour l'époque, il y avait quand même des limites, hein, comme pour tout. Nobuo Uematsu, qui est le compositeur de tous les Final Fantasy, voulait un peu plus se lâcher, voulait faire plein de morceaux avec des voix, des orchestrations, des choses comme ça, et finalement on lui a dit, on va avoir un petit problème avec les temps de chargement, avec le CD, les trucs comme ça, si tu pouvais réduire et plutôt utiliser dans ce qu'on appelle des fichiers MIDI, en fait, donc en gros des fichiers, c'est un peu comme des partitions virtuelles qu'on fait jouer directement au processeur de la console, ce qui était très courant sur PC aussi à l'époque. Voilà, donc il a fait des compositions comme ça, des compositions MIDI, mais One Winged Angel, qui est le thème du dernier boss du jeu et qui a marqué toute une génération de joueurs, très clairement, parce que là, on avait tous les poils en l'écoutant, tout simplement. Voilà, là, il s'est dit, j'ai le droit, je mets des voix, comme disait Karel d'ailleurs aussi hors antenne, il a utilisé même quasiment un CD complet juste pour le dernier boss, pour pouvoir mettre cette musique-là, et ça fait que ce combat est totalement inoubliable, en plus de toute la montée scénaristique qu'il y a dans le jeu, qui fait que, quand on y arrive, on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on se bat et on sait pourquoi il faut battre ce personnage. Mais justement, parlons un petit peu du scénario du jeu. Chloé Voitier, le personnage de Cloud Strife, c'est aussi un personnage qui dénote dans la galerie des héros de jeux vidéo. Parce que déjà, au début, on a affaire à quelqu'un d'apathique quand il n'est pas antipathique. Oui. De relativement détaché, surtout à l'époque de la PlayStation, on n'entendait pas sa voix, il ne parlait pas, on avait souvent trois petits points qui apparaissaient dès qu'on lui disait quelque chose, et on est vraiment aux antipodes de la conception du héros élu qui habituellement est moteur de l'action. On a vraiment l'impression que Cloud, pendant une bonne partie du jeu, est passif, subi. Et quand il est carrément immobilisé. Oui, au tout début du jeu, c'est vrai que, enfin, je trouve qu'au tout début du jeu, il roule un peu des mécaniques, voilà, pour dire, bon, voilà, je suis un soldat, je viens d'un corps d'élite. Oui, il compense quelque chose. Il compense, voilà, je vais vous montrer, voilà, comment est-ce qu'on se bat quand on vient d'un corps d'élite. Et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que tout ça n'est qu'une façade et que, en fait, c'est un personnage qui est fragile, et j'ai envie de dire qui a un peu inauguré une vague, voilà, des héros un petit peu dépressifs, qui ne vont pas très bien, qui ont énormément de fêlures. Là, par exemple, j'ai en tête, par exemple, Evangelion, tous les héros de Evangelion. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est un personnage qui, du coup, n'est pas du tout comme vous disiez, dans les standards habituels du héros de jeux vidéo, voilà, qui est beau, qui est fort, qui est très intelligent, qui sait absolument tout faire. Là, Cloud, à un moment donné, il y a des moments, il va quand même devoir laisser le leadership à d'autres personnes de son équipe, parce que juste, il est plus capable, en fait, d'être le héros. J'ai pas trop spoilé, j'ai pas rentré dans le jeu est sorti en 97, ça va. Je sais pas jusqu'où je peux aller, mais en tout cas, oui, c'est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il est plein de fêlures, et en fait on va découvrir qu'il a un nombre de traumatismes absolument hallucinant, et qui, du coup, enfin, je trouvais que c'était une grosse, très belle richesse pour un jeu vidéo à cette époque. Voilà, pour, comme je disais tout à l'heure, les gens qui imaginaient que le jeu vidéo était quelque chose de très simple, très enfantin, ben, en fait on peut avoir des scénarios extrêmement profonds. Alors Benjamin Ducy a réussi, malgré la pluie et les voix dans sa tête, à trouver des fans de Final Fantasy VII dans les rues de Paris, mais c'était pas gagné d'avance. On va être honnête, tomber par hasard sur de vrais amateurs de Final Fantasy VII, c'est pas évident. Bon, la plupart des gens savent que ça existe. Final Fantasy, je sais très bien que ça a cartonné, mais j'étais pas dans la hype quand j'étais jeune. Mais c'est vrai qu'entre l'original de 97 et le remake de 2020, il n'y a plus vraiment d'âge cible pour les fans, donc c'est compliqué de deviner qui pourrait connaître. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on change pas nos méthodes. Mais non, on va y arriver. Faut juste éviter de m'interrompre toutes les 3 secondes. Quoi ? Tu veux dire qu'on est des boulets, c'est ça ? Alors, je n'ai pas dit ça, mais si vous pouviez vous casser juste une petite minute, ce serait parfait. Un peu de respect, s'il te plaît. Oui, oh, ça va avec le respect, hein. Bon, on va essayer sur cette petite place là-bas. Tu vas en plein milieu de la place et tu fous un gros bordel. Non, je vais pas du tout faire ça. Je vais juste demander à ce trentenaire s'il connaît le jeu. L'original, hein, pas le remake. J'ai commencé le remake, mais j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, un vrai fan du jeu. Mais c'est vrai que le tout premier sur PlayStation était vraiment un jeu mémorable avec des scènes. Le concept même de passer de la 2D à la 3D pour un RPG en tour par tour, un JRPG. Et puis là, c'est la magie Final Fantasy qui opère. Les gens qui passent entendent qu'on en parle et se mêlent à la conversation. Alors moi, j'étais trop petite pour y jouer. Mais le remake, j'ai regardé mon petit frère donc qui a commencé à y jouer. Elle a réussi à s'infiltrer. C'est une histoire que j'ai suivie en fait beaucoup. Et j'ai beaucoup écouté des musiques et les films qui ont été faits autour. Et vraiment tout l'univers des fans qui a été fait autour. Dans mon esprit de gamin, c'était magnifique. Après, quand j'y rejouais un peu avec nostalgie, je me dis, c'est vrai que c'était des gros polygones, mais les décors étaient toujours super bien faits. J'ai joué au 8, au 10 aussi. Alors, tu voulais parler de quoi ? Eh ben, de tout ça. Donc tout va bien, on va les laisser continuer entre eux même. En vrai, c'est un tout, hein. Même les scènes cinématographiques, elles étaient très très belles. Il y a une BD quand j'étais petit qui s'appelait Les Légendaires. Il y avait un personnage fort qui était inspiré de Final Fantasy. J'aimais bien le concept parce que ça changeait entre chaque Final Fantasy en fait. Donc c'était vraiment un très bon jeu qui était prenant, qui était long. Les musiques aussi étaient super bien. Et ouais, donc c'était cool. Karel, on a parlé de Nobuo Uematsu pour la musique, mais il y a d'autres créateurs qui se sont penchés sur le berceau de Final Fantasy VII. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Disons que c'est un peu une dream team, hein, Final Fantasy VII. On a Yoshinori Kitase, qui était déjà réalisateur de Final Fantasy VI. Hironobu Sakaguchi, créateur de la série qui rempile. Kazushige Nojima, qui vient leur prêter main forte au niveau du scénario. Et une nouvelle tête, peut-être la comète, la figure montante de Square à l'époque, Tetsuya Nomura, qui va s'occuper de l'écriture des personnages. Le tout, évidemment, étant accompagné de Nobuo Uematsu, on en a parlé, et de Yusuke Naora à la direction artistique. Et Yoshitaka Amano. Et Yoshitaka Amano, bien sûr, voilà. À l'illustration. Mais il va un peu se mettre en recul. Oui, parce que son style est justement trop subtil, trop fin pour pouvoir passer et être synthétisé par des gros polygones. Disons qu'en fait, oui, le style baroque fonctionnait très bien en pixel art, mais pour les polygones, il fallait quelque chose de plus axé vers la Japanimation, et c'était aussi peut-être une occasion de renouveler le public. Et pour le coup, c'était... Alors j'essaie d'expliquer pour les auditeurs qui ne comprendraient pas toute cette nomenclature. Ce que je veux dire, c'est que Yoshitaka Amano est un peintre qui a l'habitude de faire de très très beaux tableaux qui passent extrêmement bien quand on adapte un jeu en deux dimensions. Mais dès l'instant où on passe en 3D et la technologie de l'époque, et en plus c'était de la 3D rudimentaire, ne permettait pas de rendre justice à la beauté des dessins de Yoshitaka Amano. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à Tetsuya Nomura, qui lui-même a quand même galéré pour simplifier ses personnages. C'est d'ailleurs pour ça que tous les personnages du jeu sont en SD, super déformés. Si vous regardez un petit peu l'animation japonaise, c'est ces personnages avec des grosses têtes et puis des tout petits corps, justement pour que la machine puisse continuer à tourner. Ben c'est le Final Fantasy de toutes les premières fois en fait, hein. Donc il fallait bien commencer quelque part, il y avait beaucoup de challenges à relever, et on peut déjà saluer le travail de Tetsuya Nomura d'avoir rendu des personnages aussi reconnaissables, aussi caractéristiques, aussi marquants. Je prends par exemple le personnage de Vincent. Vincent qui a dû, je pense, inspirer tous les pistoleros à manteau rouge, oui, des années 2000. Dante, Devil May Cry, Vache de Trigun, enfin toute cette génération de personnages là, même Sasuke dans Naruto quelque part, doivent quelque chose à Final Fantasy. Les brins ténébreux, un chouïa vampire sur les bords, mais tout pas à trop. Fait. Alucard de Helsing, oui, par exemple. Et en plus, c'était une galerie de personnages assez hétéroclites et dont on se souvient. Il y avait Barrette. Moi, je sais qu'en tant que métisse, ça m'avait marqué. C'était la première fois qu'on avait un personnage noir, chef de l'organisation Avalanche. Il y avait quelque chose de ce type-là. Il y avait Red 13, une sorte de tigre-chat. Il y a un félin, oui. Il y avait un félin. Il y avait, un chat calcite, sur une énorme poupée géante, la ninja Yuffie avec un shuriken géant. Et puis, Aerys, la fleuriste. Donc, Olivier Bénis, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de Aerys? Parce que je sais que quand on se croise dans les couloirs et que vous m'en parlez, il y a toujours des étoiles dans vos yeux. Larmes à l'œil, forcément. Déjà, commencer par dire que ce qui faisait la force de Final Fantasy, c'était vraiment, donc, comme vous le disiez, les personnages très marquants, très caractérisés, mais c'était leur relation entre eux, en fait, qui était très intéressante. C'était Barrett, par exemple, qui était censé être un peu le gros bourrin de service, devenait petit à petit vraiment votre meilleur ami dans l'histoire, la personne sur qui vous pouviez compter. Il a une fille aussi, il est père d'une gamine qu'il a trouvée. Voilà, il y a plein de personnages comme ça. Et donc le personnage d'Aerys, qui est central, et là ça va être très difficile de continuer sans spoiler un tout petit peu Final Fantasy VII, mais rappelons que le jeu est sorti en 97, donc il y a prescription. C'est un personnage qui est très important dans le monde du jeu vidéo et dans la narration du jeu vidéo, parce que c'était la première fois que des créateurs osaient créer un personnage principal, vraiment principal, essentiel à l'intrigue du jeu, et à le tuer à peu près au tiers du jeu, ou à peu près à la moitié. Mais vraiment, et c'est la soigneuse du groupe. Et c'est la soigneuse du groupe. C'était une mort définitive, et c'était très très osé pour un jeu vidéo. Ça paraît totalement normal quand on parle de cinéma, de littérature, enfin voilà, le créateur de Game of Thrones, il fait ça toutes les trois pages, en gros, tuer un personnage principal. Là, mais comme il écrit toutes les trois pages, mais tous les trois ans, il y a beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'il a, voilà, il a envie d'en finir assez vite, à un moment. Mais Aerys, donc, c'était un personnage dont la mort était particulièrement marquante pour deux raisons. D'abord, une raison scénaristique, c'est-à-dire que c'était un personnage vraiment essentiel, c'était la guérisseuse du groupe, c'était un personnage autour duquel tournait vraiment une partie essentielle de l'intrigue. Donc on pouvait pas s'attendre, en fait, quand on ne connaissait pas du tout le jeu, à ce qu'elle meure vraiment, parce qu'elle paraissait tellement importante à l'histoire qu'elle ne pouvait pas disparaître. Et il y avait autre chose qui était très très malin de la part des créateurs du jeu aussi, c'est que c'est un personnage que vous développiez. Donc comme dans un jeu de rôle, il y a un système d'expérience, les personnages évoluent, ils gagnent en puissance, et vous pouviez très bien arriver à la mort d'Aerys, à perdre un personnage qui était devenu essentiel pour votre équipe parce que vous l'aviez tellement boosté, tellement développé, elle était devenue une guérisseuse surpuissante, elle avait des magies incroyables et tout ça, et d'un coup, vous perdiez ce personnage et vous vous retrouviez totalement désemparé, et donc ce personnage est tué par le futur dernier boss du jeu, Sephiroth, ce qui vous donne une motivation supplémentaire au-delà de l'histoire classique de je vais tuer Sephiroth parce qu'il faut sauver le monde. En fait, au final, en tant que joueur, vous vous en foutez de sauver le monde n'existe pas. Par contre, vous avez un compte à régler personnel avec ce personnage qui a détruit un de vos personnages, un de vos personnages de votre équipe, auquel vous étiez beaucoup attaché. On va parler de Sephiroth. On est toujours avec Karel Campuis, les journalistes Chloé Voitier et Olivier Bénis, mais pour l'instant, on va marquer une courte pause musicale avec le protégé du rappeur Alkpot, le Vresval avec Tout s'en va. Des coupes de malade, j'en fume la salade et je pense. Je me suis réveillé, t'étais pas là. Demande pas si ça va sur mon cœur, tu laisses tes palaves. Ton visage éclairé par les lampadaires de Paname. On s'est déchiré pour la vida sans raison valable. Moi les miens sont vains, en samouraï, j'ai caché ma lame. J'ai caché ma lame. Trafic dans l'école, tactilon dans l'école, H papillon dans l'estomac, marche vite. Tout la faucheuse rapplique dans la zone, je m'applique. Y'a le temps qui passe vite sur la montre à shit. Les roses que j'ai ramenées sont fanées et toutes les promesses échappent en l'air comme le vent. Les doses que j'ai préparées sont calées, des fois je me promène où je te voyais avant. Diamant sur les dents, je sais même plus pourquoi tu m'attends. Les démons qui viennent pour t'accompagner dans la danse. Comme ça qu'on avance, comme ça qu'on avancera. C'est le pour le type qui rêve de partir en cance. Va, captain, patate sur ma vie, j'ai foncé dans le tas. On est en face, et marcher seul là, dans une allée longue. Elle a lâché son gars, est-ce qu'il valait son âme? Elle a lâché son gars, est-ce qu'il valait son âme? Chemins sont différents, mais nos regards se sont croisés. Elle écoute personne, pourquoi t'essayes de l'apprivoiser? Je t'ai vu t'apitoyer, je t'ai vu penser. Regarder en l'air, jamais pu danser. On tourne dans les soirées comme des ambulanciers. Elle sent plus l'enfer, elle veut sentir en vie. Sortir en ville, faire des efforts en vain. Je me rappelle que le temps passe et tout s'en va. R.E.S. va. Wow. Wow. Je me rappelle que. Je me rappelle que le temps passe et tout s'en va. Je me rappelle que. Je me rappelle que. Je me rappelle que le temps passe et tout s'en va. J'y pensais chaque soir, faut que tu sortes de ma vie. Je regarde au loin, je vois les hordes de navires. Au lever du jour, les soldats seront aux portes de la ville. Faut qu'on me sauve de la mort ou qu'on me sauve de la vie. Faut qu'on sorte de la vie. Le combat des anges et les forces de la nuit. Le reflet du Shinigami qui s'approche de la vitre. Elle est parfois belle, mon époque, je la vis. On est pauvre, cela dit. Y'a des clopes de la tise, loin des cops, on navigue. Ça consomme de la weed. Là, j'ai trop de choses à dire. Des gars post-traumatiques, rappliquent automatiquement. Tout ça matrice, c'est la mélo de ma vie. On est perdu sur la route. Beaucoup de chemin, on a marché. Mais pourquoi on s'est attaché? Trahi par tes semblables, trahi par les autres. On s'était parlé en classe, j'étais pas présentable. Suivi par les gendarmes, sirop dans les entrailles. Tu parlais à Dieu pour qu'il te libère de tes entraves. Tu parlais à Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Flacon, on arrose les tasses. On s'est promis des choses, mais les paroles s'effacent. Les filles autour de moi t'auront du barreau de ces tasses. J'écris comme un poète, ces petites carottes m'effacent. Mes rimes dessinent ton corps sensuellement. Les flèches de Cupid, on vise ton cœur essentiellement. Mais ce V juste il est dedans, le bat, on a rimé devant. Je sais qu'on a prié, je sais qu'on va crier. Je sens, je me fais maquiller, je pète deux jours d'affilée. Je pense trop à la vie et la mort, le sablier demande. Ma lame pourrait scier le vent, les ondes viendront piller le camp. J'avance sans oublier le temps, recompter les billets de banque. Wow, wow, je me rappelle que, je me rappelle que. Je me rappelle que le temps passe, tout s'en va. Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle que le temps passe, tout s'en va, va, va. Tout s'en va de Luvresval sur France Inter. Blockbuster. C'est dans mes veines que coule le sang des anciens. Frédéric Sigrist. Je suis l'héritier légitime de la planète. Final Fantasy VII a eu droit à un remake il y a peu de temps, adapté aux consoles de nouvelle génération. Mais cette petite mise au point, mise au goût du jour, ben y a des gens, ils n'aiment pas. Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Selon moi, dans ce jeu, il y a beaucoup trop de scènes. Ça s'arrête jamais. Il y a juste 2-3 moments où on est libre de faire des quêtes annexes qui puent vraiment, mais vraiment la merde, parce que la plupart d'entre elles consistent simplement à retourner dans des zones qu'on a déjà traversées pour tuer des monstres. Tout a été rallongé. Hors combat de boss, l'idée est simple. Tu affrontes quelques ennemis, tu les tues, au suivant, tu as un boss rebelote, 2-3 ennemis, et ça jusqu'à la fin. Pire encore, le level design ne t'aide absolument pas. Tout a été remake sauf ça. Je trouve ça même honteux à notre époque de proposer un jeu triple A. Ah, avec des niveaux entiers où tu dois actionner des leviers. Oui, oui, c'est aussi chiant que ça en a l'air. Est-ce qu'il suffit que vous entriez dans les quelques villes du jeu pour que tous les PNJ se mettent à parler en même temps, que ce soit vos alliés ou les gens que vous croisez, ça donne une espèce de brouhaha absolument immonde pour les tympans, et on a vraiment du mal à se concentrer sur une voix en particulier sans saigner par les cheveux. Autant les cutscenes pendant les boss sont stylées, autant le train-train, couloir, combat cinématique peut vite vous casser les couilles si vous n'êtes pas intéressé un tant soit peu par le background du jeu. Mais même si personnellement j'ai accroché à l'histoire du jeu, au bout d'un moment j'ai trouvé que c'était trop. Entre les persos féminins qui gloussent toutes les 30 secondes et les mecs qui jouent les bad boys en mousse pour pas grand chose, forcé de constater que le jeu possède tout de même un énorme côté nanar de série B, qu'on ne cernait pas du tout de cette manière il y a 23 ans, pour la simple et bonne raison, bah, que le jeu était entièrement muet. Bah oui, et c'était peut-être pas plus mal, finalement. Un mauvais moment à penser. Chloé et Voitier, vous avez joué aux deux versions, la version de 97 et la version de 2020. Est-ce que vous êtes aussi dur dans votre analyse que le troll qu'on vient d'entendre ? Alors, je suis moins dur que ça. Je suis d'accord sur le fait que le jeu est beaucoup trop long, le remake est beaucoup trop long par rapport à ce qu'il a raconté, parce que le remake, en fait, reprend les 5 premières heures du jeu originel et il les étend sur de 20 à 30 heures selon comment on joue. Donc, c'est quand même... On étale bien la confiture sur la tartine, hein, donc c'est très très très très long. Mais à côté de ça, bon, il y a un effet nostalgie qui joue à plein. Moi, j'ai été enchantée de revoir les personnages que j'adorais, de refaits de manière moderne, extrêmement beaux. Les combats sont beaucoup plus dynamiques. Les combats extrêmement dynamiques, les musiques refaites de manière orchestrale. Enfin, c'est un bonheur pour les yeux et pour les oreilles, ce remake. Et les personnages aussi, je trouve, bénéficient du fait que le jeu soit beaucoup plus long, un peu plus de développement. Et notamment, je pense qu'on s'y attache peut-être un peu mieux, peut-être un peu plus vite. En tout cas, ils montrent un peu plus leur panoplie psychologique qu'au tout début du jeu original. C'était que 5 heures, donc on voyait vraiment que le tout début de ces personnages, là, je pense qu'ils sont un peu mieux développés. Mais d'ailleurs, on parle de remake, mais on sent, et en y jouant, j'ai eu ce sentiment-là, que le fait d'avoir forcément fait la version de 97 a été prise en compte tout de suite. C'est pour ça qu'il y a certains personnages qu'on voit apparaître beaucoup plus tôt, d'autres beaucoup plus tard, parce qu'il y a déjà cette notion de « ils ont fait le jeu, ils sont fans ». Là, il n'y a plus la carte du mystère, on ne va pas faire un rebondissement là-dessus en vous cachant tel ou tel personnage, parce qu'on sait que vous l'avez fait. Il y a cet aspect. Par exemple, vous disiez que le personnage de Tifa, que vous n'aimiez pas trop dans la version de 97, Tifa qui est un des personnages du groupe, une jeune fille badass qui fait des arts martiaux, et bien là, elle vous a beaucoup plus plu. Oui, en fait, Tifa, ce que j'expliquais en antenne, c'est que Tifa, moi, à l'époque, c'est le personnage féminin qui est un peu en retrait par rapport à Aerys, dont vous parliez tout à l'heure. Aerys, on prend toute la lumière sur le début du jeu et Tifa est un petit peu en retrait. Et là, en fait, je trouve que dans le remake, le personnage est beaucoup plus développé, beaucoup plus fin. Et je trouve, en fait, c'est un personnage absolument incroyable et que en fait j'ai réhabilité avec le temps, même avant le remake. En fait, en refaisant le set, je me suis dit mais en fait c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air à première vue, parce que voilà, on peut juste s'arrêter au fait bon, c'est une femme qui combat à main nue, qui a une mini jupe et qui voilà, qui est hyper sexualisée. Alors qu'en fait, enfin, le personnage est totalement l'inverse de ce qu'elle montre. Oui. C'est un personnage très très. C'est quelque chose assez courant d'ailleurs, oui. Hein, dans le jeu de rôle japonais ou même dans l'animation japonaise, c'est que voilà, il y a toujours un énorme fossé entre la représentation des personnages féminins et la manière qu'elles ont de parler, de communiquer. Oui, totalement. Et puis Tifa, en fait, on comprend au fur et à mesure du jeu que c'est un personnage qui en sait énormément, mais qui choisit de ne rien dire pour plusieurs raisons, et qui est absolument centrale en fait au scénario, et qui elle aussi a tout son lot de traumatismes très très lourds à porter, mais voilà, ça on découvre ça au fur et à mesure du jeu originel, et que c'est vraiment, je trouve, c'est un personnage féminin mais fantastique, et qui peut-être à l'époque n'a pas été assez célébré comme il aurait fallu. Karel, est-ce qu'il y a eu un changement d'appréciation sur certains des personnages? Est-ce que le personnage préféré de la version 1997, pour vous, c'est toujours le cas en 2020, ou est-ce que ça a changé avec l'évolution et le fait aussi que vous ayez vieilli? Moi, en fait, j'ai eu la chance de faire le jeu il y a 2 ans. Donc, disons que j'ai pas eu trop de. Ah oui, donc ça a été une courte attente. Une courte attente. Mais je dirais, oui, j'étais très client de Vincent en faisant le jeu la première fois. Et je trouve que ce soit dans l'original ou même dans le remake, la direction que c'est en train de prendre, je trouve que le personnage de Cloud est absolument magnifique. C'est la preuve qu'on peut se perdre dans un travail, dans un deuil, dans un traumatisme ou dans une emprise aussi, et qu'on peut en sortir, qu'il n'y a pas de fatalité là-dessus, on ne peut pas tout contrôler, il y a des fatalités qu'on ne peut pas éviter, mais on peut se sauver soi si on est capable de voir la beauté là où elle se trouve, et je trouve que c'est ce que raconte ce personnage d'une façon absolument magnifique. Et c'est dommage d'ailleurs que dans l'original, la traduction française un peu faussée rende pas trop hommage à la profondeur de ce personnage-là. Mais heureusement, il fonctionne très bien en tandem avec Tifa justement là-dessus. Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que le personnage de Cloud, et Olivier Bénis, vous confirmerez ou non ce sentiment, mais j'ai l'impression qu'il a été enrichi par le film, ensuite Final Fantasy... Advent Children, qui est sorti, mais aussi par l'exploitation du personnage de Cloud qu'on a retrouvé dans plein d'autres jeux, et qui fait que dans l'inconscient collectif, il s'est développé un autre Cloud qui est toujours aussi névrosé, toujours aussi laconique et tout ça, mais qui tout d'un coup devient plus reconnaissable. Et quand je l'ai retrouvé dans le remake, je me suis dit ils ont refait Cloud, mais avec tout ce que l'on sait de lui. Par rapport aux produits dérivés qui ont été faits, c'est plus exactement le même Cloud, même en termes de visage, il est plus charismatique, il s'assume beaucoup plus, même dans le remake, il est directement beaucoup plus badass. Est-ce que vous avez eu cette lecture aussi, Olivier? Un petit peu, mais je trouve que ce qui fait le génie de Final Fantasy VII, l'original de base, c'est que les personnages sont plus ou moins des graines en fait, jetées un petit peu dans l'esprit du joueur, et ils vont évoluer avec ce qu'on en interprète, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses non dites en fait dans le jeu. Il y a énormément dans les relations entre les personnages, il y a ça dans le développement des personnages eux-mêmes. Il y a des personnages pour qui il n'y a jamais vraiment d'explication sur ce qui leur est arrivé. Cloud, pendant très très longtemps, on ne sait pas du tout pourquoi il est là, on ne sait pas, et même lui ne le sait pas en fait. Au final, il va vraiment apprendre sa véritable histoire assez tard dans le jeu, et ce qui va le changer et le bouleverser profondément. Mais voilà, ça marche très très bien pour plusieurs des personnages. Chloé parlait de Tifa aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup ça. Tifa, au départ, on l'identifie comme une sorte de personnage secondaire qui va être une combattante de plus parmi les personnages. En fait, on comprend vraiment sur les dernières heures du jeu à quel point elle est essentielle à l'histoire de Cloud, et à quel point elle a vraiment un rôle très touchant, très émouvant en fait, au final. Ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas dans le jeu, c'est vraiment très marquant. Et tous les personnages sont comme ça, et même le personnage de Sephiroth, vraiment qui est l'antagoniste, c'est aussi ça qui a fait son succès et qui a fait le succès du jeu. C'est pas un antagoniste vraiment purement sombre, il a ses propres raisons, il a ses propres traumatismes. Sephiroth pourrait être le héros d'une autre histoire. Tout à fait, on pourrait très bien refaire Final Fantasy VII en partant uniquement de l'histoire de Sephiroth et en faire un jeu. Enfin, ça pourrait être un anti-héros total qui tournerait mal, certes, mais vraiment, il y a quelque chose, il y a une profondeur en fait dans tous ces personnages, ce qui fait que quand on les retrouve donc 20 ou 30 ans plus tard dans le remake, bah on a effectivement toutes ces petites graines qui ont été plantées quand on jouait à l'époque, et on se dit ah oui, en fait il est comme ça lui, en fait plus tard il sera comme ça, et plus tard il va devenir ça, et on reperçoit un petit peu ces choses là Alors c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant cela, on écoute celui qui va composer la musique de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Tokyo le 8 août prochain, Woodkid avec Highway 27. Highway 27 de Woodkid dans Blockbuster sur France Inter. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de pompe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si tu continues à pomper l'énergie, Mako, il se passera quoi? Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi, tu l'entends, c'est ça? Ben ouais! Va te faire soigner. Hein? Tu te fous de moi? Oublie la planète deux secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier, je suis pas sourd. Cloud ! CloudStrife qui s'inscrit directement dans la catégorie des climato-sceptiques et qui est doublé ici par Tanguy Goazoué. Vous avez également entendu Eris tout à l'heure qui a été doublé par Céline Melloul et le grand énervé, c'est Frédéric Soutrel qui double Barrett Wallace. Alors j'aimerais qu'on parle d'une caractéristique de Final Fantasy VII, ce sont les grandes épées, l'épée énorme de Cloud et le katana immense de Sephiroth. Et évidemment, c'est des clins d'œil à un auteur qui vient de disparaître, l'auteur de Berserk. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Très rapidement, oui. Berserk, je suis pas du tout un connaisseur. Je me suis arrêté à peu près aux environs du tome 13. Ça tombe bien, il va bientôt y avoir un blockbuster dessus. Ah bah très bien, ce sera l'occasion de rattraper mon retard là-dessus. Mais oui, je me suis arrêté aux environs du tome 13 à peu près. Mais effectivement, l'influence est manifeste. Cette idée d'avoir un personnage qui a une épée qui fait limite sa taille, qui vient peut-être illustrer le fardeau qu'il porte aussi, face à un personnage qui... J'ai une prof de français qui dira « Ah non, c'est clairement un symbole phallique. » Ah peut-être. Peut-être aussi, dans ce cas-là, il faudrait plutôt se tourner du côté de Sephiroth. Oui. Mais c'est assez amusant parce qu'il y a une dualité entre effectivement Guts, qui a un côté un peu démoniaque, un peu justement très lourd, et que Cloud a aussi avec son accoutrement noir et une grosse épée. Et en face, bien justement Griffith / Sephiroth, qui a un côté beaucoup plus angélique, beaucoup plus gracile, avec justement ce grand katana très long et très fin. Et justement, ben, Griffith a un petit peu ce côté-là aussi. Bon, il est plus très angélique passé le tome 13. Hein, mais oui. Il me parlait pas. Enfin bref, j'en parlerai dans l'émission de Blockbuster de mon amour pour Griffith. Chloé Wattier, vous aussi vous êtes électrice de Berserk. Oui, je suis aussi électrice de Berserk, et oui, effectivement, maintenant vous le dites, le parallèle est assez net en fait entre ces deux antagonistes du côté de Berserk, donc Guts et Griffith, et de l'autre côté Cloud et Sephiroth. C'est vrai qu'au niveau même physique, alors pas pour Guts et pour Cloud, mais par exemple Griffith et Sephiroth, voilà, c'est des deux personnages aux longs cheveux gris blanc, extrêmement charismatiques, qui en fait sont d'une cruauté absolument incroyable. Et oui, c'est vrai que les armes sont très très similaires, et c'est vrai que c'est peut-être aussi sur les armes quelque chose qui pouvait aussi desservir le jeu, je pense, le côté totalement irréaliste, voilà, d'avoir cette énorme épée qui fait la taille de Cloud. On ne sait même pas comment c'est possible qu'il arrive à la soulever d'une seule main et à la tourner dans Puis tous les il sens. Il a un tout petit bras. Hein. Et il a un tout petit bras. Il a un petit. On voit. Un petit biceps. Il a un petit biceps dans le remake. Oui, il a quand même un joli polygone. Biceps. Hein. Mais ouais, on se dit c'est totalement irréaliste. Alors c'est vrai que peut-être que ça peut desservir. Bon, Barrett, il a carrément une mitraillette à la place d'un bras. Voilà. Donc les amateurs de Cobra, de Bushi et Kurosawa. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas. Mais c'est vrai. Moi, j'y crois. Plus, j'adhère plus à ça, au bras canon, qu'à l'énorme épée qui doit faire 500 kilos, mais qu'on soulève sans souci. Sachant aussi que, comme beaucoup de choses dans Final Fantasy VII, le choix d'une épée très emblématique, très reconnaissable tout de suite, d'ailleurs elle est sur le menu de début du jeu, c'est le premier truc qu'on voit avant et même elle est de aussi voir... sur votre t-shirt actuellement. C'est la première chose qu'on voit avant même de voir un personnage, c'est l'épée. C'est aussi parce que cette épée a un sens très profond dans l'histoire, et que justement c'est un élément qui permet de raconter l'histoire de Cloud, son passé... C'est un héritage avec un autre personnage du jeu que je ne citerai pas. Alors justement, on parle là des circonvolutions scénaristiques de Final Fantasy VII, mais il y a eu des suites ou des séries dérivées non officielles, Dirge of Cerberus, il y a aussi Crisis Core, qui donnent la part belle à d'autres personnages. Et on a l'impression, par rapport à l'histoire de Square et de Final Fantasy, que Final Fantasy VII est un petit peu à la manière du dernier personnage chez Atlus, la franchise qui ne veut pas disparaître, qui veut tout le temps se réinventer avec et on voit en fait que Claude revient inlassablement. C'est la poule aux œufs d'or avec une grosse épée, hein, voilà, clairement, c'est que c'est le chocobo. C'est le chocobo aux œufs d'or. Voilà, c'est très très jolie métaphore. En fait, Final Fantasy VII, c'est le moment où Squaresoft se rend compte que faire des jeux de rôle, c'est bien, faire des jeux de rôle qui vendent plein d'exemplaires, c'est mieux. Et donc du coup, effectivement, ils vont partir peut-être parfois s'égarer même un petit peu sur des multiples suites, des produits dérivés, on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut. J'ai vu il y a pas très longtemps sur le site de Square Enix justement qui vendait des trucs pour faire des glaçons en forme d'épée de Cloud, enfin des choses comme ça. On se dit que c'est parti très loin quand même sur les 20 dernières années. Et effectivement, ils sont partis sur plein de suites pour développer l'univers. C'est pas inintéressant parce que comme Final Fantasy VII est un jeu dont le scénario laisse beaucoup de portes ouvertes en fait, laisse beaucoup à l'interprétation du joueur et à l'interprétation de la personne qui lit l'histoire. Il y avait moyen de raconter plein d'histoires autour de ça. C'est aussi un monde qui est très vaste dans lequel on peut raconter les histoires et les sous-intrigues de plein de personnages. Mais est-ce que ça gâche pas au final un petit peu justement ce côté, le fait que chacun pouvait un petit peu se faire son univers de Final Fantasy dans sa tête et interpréter certaines choses comme il le voulait. Je sais que par exemple Crisis Core qui raconte l'histoire de Zack, qui est un autre personnage important de Final Fantasy VII, qui est un ami de Cloud justement. Je trouvais ça un petit peu dommage en fait à la fin de connaître toute son histoire, alors que je trouvais ça pas mal de pas savoir grand chose de ce type et de se dire juste qu'il a été important, mais on en sait peu sur lui, quoi. Karel, vous souscrivez ? Oui, en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu devenu une prison dorée pour Square, dans la mesure où c'est venu capter l'attente d'une partie des fans de la série qui n'ont eu de cesse que de demander un remake de FF7 dès les démos de la PS3 au milieu des années 2000, alors que FF13 n'était même pas encore sorti, quoi. C'est littéralement un fantôme qui plane sur Square et dont ils se sont peut-être séparés avec le remake, en tout cas qu'ils ont réussi à exorciser d'une manière assez qui divisera pas mal de gens, je pense, et c'est ce qui laisse aussi beaucoup de possibilités pour la suite. Sachant que ça a été quasiment un running gag à chaque E3 salon du jeu vidéo, tous les ans on se demandait est-ce qu'il va y avoir le remake de Final Fantasy VII. Eh bien, on va attendre la seconde partie de ce remake qui va arriver incessamment sous peu. Merci Karel Campuis, Chloé Voitier et Olivier Bénis. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer Final Fantasy VII. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. N'hésitez pas vraiment à laisser des messages, ça nous intéresse et c'est votre émission. Et vous pouvez également parler avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. Demain dans Blockbuster. Une humanité obligée de se confiner pour survivre. Une menace qui rôde dehors et dont on ignore tout. Des inégalités entre riches et pauvres. Un état autoritaire où l'armée a les pleins pouvoirs. Un manga qui permet de se distraire et de ne pas penser aux soucis du monde qui nous entoure. Demain, on parle de l'attaque des Titans. France Inter.